Parce que le plan de l'homme, c'est le plan de la lumière. L'homme devient parfaitement un très bon véhicule. Ben oui. La preuve, c'est qu'il fusionne avec l'âme. Après que l'âme a uni avec l'ego. C'est pas le client. Union. C'est là juste à le penser qu'il fusionne avec l'âme.